Benvinguts una vegada més a Hola la Música, el programa que us acompanya amb Rafael Corbí. 60 minuts, o gairebé, dedicats a la música cantada en francès. I com sempre, una cançó que ens parla de música per escoltar, per començar el nostre programa. Avui és Michel Verger, que ens acompanya amb aquest tema, escoltant la bona música, si ens aporta els seus ritmes. Benvinguts i benvingudes. Celle que tu aimes te le prendre dans le dos. Tu t'étonnes et tu trouves ça curieux. Tous tes rêves étaient bleus, tous tes rêves étaient roses. Mais la vie c'est autre chose. Écoute la musique. Envole-toi sur son tapis magique. Écoute la musique. Quelle consolation fantastique. T'envoler dans les nuages. Viendrais-tu partager mon paysage? Juste pour un amour de passage. Pour faire des rêves bleus, pour faire des rêves roses. On n'a pas besoin d'autre chose. Écoute la musique. Envole-toi sur son tapis magique. Écoute la musique. Quelle consolation fantastique. Així han començat i així seguirem amb molta altra gent que ens acompanyarà en un programa avui variat en diversos artistes que ens acompanyaran. Bona música i bons ritmes que ens conduiran a escoltar en els propers minuts a gent com Swan, com Beltan Angel, com Nguyen Le Goy o com Francis Cabrel, entre d'altres. Qu'est-ce que j'ai fait de ma potence? Je voulais pendre à ton cou, qui t'a plus respiré du tout. Je m'en balance. Je voulais savoir si tu danses. Au premier rendez-vous, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait du gosse crédule et de ce livre où la princesse embrasse un crapaud à pustule sans méfiance? Je voulais savoir si tu danses. Au premier soir de sous la lune. Tu es si jolie, mais rien qu'une fois. Faire taire les fenêtres. Putain, t'es belle, mais c'est chacun ses couettes. Pustule que pourra. Qu'est-ce que j'ai fait de ma potence? Je voulais pendre à ton cou, quitte à mourir juste en dessous d'une migraine. Je voulais juste qu'on s'emmène jusqu'au bout du bout d'un silence. fait de cet Indien qui voulait passer la colline à s'en noircir des moleskines d'aventure. Emmène-moi même en peinture de paysages en lointain. Tu es si jolie, rien qu'une fois, faire taire les fenêtres. Putain, t'es belle, mais c'est chacun ses couettes, puisses-tu le que pourras. Tu es si jolie, mais rien qu'une fois, faire taire les fenêtres. Putain, t'es belle, mais c'est chacun ses couettes, puisses-tu le que pourras. Puisses-tu le bien.

talent, lui et moi, que c'était bon. L'amour avait dans ses yeux tant d'amour. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé.

Alors là oui, ça ressemble à quelque chose. Alors là oui, ça les vaut toutes les roses. La grande vie, le sacre des amants, le ralenti que tu attendais tant. À toi les honneurs, à toi la gloire, tous les bonheurs de la victoire. La grande vie, le sacre des amants qui justifie tous tes chagrins d'avant. Alors là oui, ça ressemble à quelque chose. Alors là oui, ça les vaut toutes les roses. La grande vie, le sacre des amants, le ralenti que tu attendais tant. À toi les honneurs, à toi la gloire, tous les bonheurs de la victoire. Que reposent les vieilles défaites, parce que ce soir, ce soir, c'est soir de fête. La grande vie, si vous prenez, à la sortie du hameau de la Louvière, le sentier qui rejoint la lisière, passe à fleur de forêt, puis s'enfonce à la rencontre des chants d'oiseaux. Si vous le suivez jusqu'aux premières pentes de la dent des Corbières, vous apercevrez, sans doute, à la naissance du coteau, une grotte. C'est là que vit celui qu'ils appellent le fou et que j'appelle, moi, l'exilé. Il est des hommes déracinés de leur pays et qui essaient de passer, vaille que vaille, sur une autre terre que celle de leurs ancêtres et de leurs amours. Il en est d'autres, tels celui-ci, et l'on n'a comme arraché au siècle où ils auraient dû vivre et qui essaient de survivre dans une époque qui ne leur convient pas, où ils étouffent, dont ils ont mal. Ils ne vivaient pas comme les autres, ils ne pensaient pas comme les autres. Le naufragé du temps passé, l'étranger volontaire, l'exilé. Il se sentait comme asphyxié par les courses des autres, course à l'argent, course à la réussite, course aux honneurs. Lui, c'était singulier, détestait le pluriel. Il n'avait que le sens de l'honneur, mais en autant supersonique, c'est un sens interdit. Mal dans son âme, sous la dictature de la quantité, il rêvait comme un enfant que revint le règne de la qualité. Il ne comprenait pas qu'on traite ceux qui donnent de pigeons, ceux qui rêvent de naïfs, ceux qui aiment d'esclaves. À vrai dire, il ne comprenait rien à pas grand-chose, à part que l'essentiel de la vie est certainement bien plus simple et bien plus beau que dans le cri des corbeaux et le hurlement des loups. Alors il demeurait là, dans sa grotte, l'exilé, les pieds dans le 20e siècle, et la tête et le cœur ailleurs, très loin. Il ne vivait pas comme les autres, il ne pensait pas comme les autres, le naufragé en passé, l'étranger volontaire, l'exilé, terre folle,